me how to do it again, but this one time for Haiti. All my zones from the 954-305. Come on, let's get it, put your flags on. Yeah, you probably thinking that it's just another remix, but let me tell you, it's anything but a remix. No, a G-mix, nothing like the 3-6. See the devil ages when we spit, they get so sick. You're sick and tired of rap, then let me rap for you. Used to being all black, now it's all red blue. I traded in my Alpha Tower to the I-95 South from May 18. You best believe you rap that flag, you feel me? Fier de mon drapeau, l'union fait la force. Chrétien avant tout, voilà pourquoi je bombe le torse. Mon sang, mes origines et ma patrie. Griot après la prière, je mange tout, je fais pas le tri. Digicel contre sponsor, on fait la hola. Soleil sur la tête, dans les mains, une bouteille de cola. Depuis les nombreux dégâts, gars, je suis trop mat. Là-bas, ils m'appellent blanc, mais ici, oh, je suis trop mat. C'est mon drapeau, c'est ma patrie. Je reste fier. Depuis le 1er janvier 1804, pour Haïti, je pourrais écrire plus de 800 tracts. Tu mets les points sur les i, moi je mets le tréma. Garde à Jack Daniels, moi c'est couronne ou crémasse. Appelle-moi MC Grimaud, MC Chabrin. Trace du colon sur ma peau, mais je reste un haïtien. Si t'es touché, gloire à Dieu, gloire à l'éternel. Si on est là, c'est parce que Dieu nous le permet. Je suis né sur les terres françaises, crois-tu que c'était à l'est? Qu'il n'y avait pas de dièse. Oh oui, c'est vrai, tu connais ma story. Alors je m'arrête ici, mais avant tout, je te dis qu'aucun tremblement nous fera taire. Alors genoux à terre, oui, nous prions au Père. Et par la grâce, nous restons en place. Oh yeah. Tes entrailles dans ton sein tu m'as porté. J'élève ma voix avec honneur et fierté. Je chanterai pour ta paix, ta liberté. De l'esclavage, tu t'es libéré. Plus jamais de chaîne, plus jamais de lien, non. Tu as un drapeau, une fierté et un nom. Ta liberté, tu l'as conquis sous les coups de canon. Haïti chérie, c'est ça ton nom. C'est mon drapeau, c'est ma patrie.